Le générateur périodique est un modèle, entre autres, de la monnaie. Et comme beaucoup, beaucoup de gens imaginent faire changer la monnaie, créer de nouvelles monnaies, ou muter le principe de création monétaire, ou etc. Enfin, mais il y a en ce moment, ou crypter la monnaie, ou, ben, il y a plein, plein, plein de tentatives. Il y en a. C'est une par jour, là, en ce moment, j'entends les nouvelles monnaies, ceci, nouvelles monnaies, cela. Il me semble important, au moment où on veut changer la monnaie, transformer la monnaie, créer une nouvelle monnaie, d'avoir un modèle commun sur lequel on puisse parler et échanger, un modèle qui soit transparent, avec une architecture réseau évidente pour tout le monde, évidemment libre, open source, tout ce qu'on veut. Et de toute façon, est-ce qu'on puisse collectivement embrasser ce phénomène qui est d'une complexité incroyable, quoi. Et en même temps, qui est simple aussi, puisque simple comme un petit jeu qu'on peut mettre entre toutes les mains. Voilà. Donc mon petit générateur politique, mon petit modèle accessible à tout le monde, mon idée c'est vraiment de le lancer à une grande échelle et de le mettre entre les mains de tout le monde. De toute façon, est-ce que tout le monde puisse prendre conscience de la manière dont ça marche? Et jouer avec et sans conséquence. Ça, contrairement à la monnaie, c'est jamais sans conséquence de jouer avec la monnaie. Hein? Là, on risque rien, mais on peut voir comment ça marche. Et puis, donc, discuter dessus. Alors, moi, je ne sais pas où va aller cette discussion. J'ai pas de solution, etc. Mais ce que j'imagine et mon engagement, c'est que voilà, c'est de se livrer ce modèle à tout le monde pour qu'un débat puisse avoir lieu et qu'il ne soit pas qu'un débat de. Universitaires, de grands spécialistes, de grands économistes, la Banque mondiale ou que sais-je, ou la Commission européenne, ou à la BCE, mais un débat vraiment commun parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde et voilà, qu'il faut mettre entre toutes les mains.